Yeah, little new zip line game. PSBeats.com. Make your purchase. Game over. Bienvenue dans le crew. Les bitches nous follow. Ne vont pas sa monnaie. J'ai mes vrais sosa. Toujours avec mes soldats. Toujours prêt à s'entraider. Dans la merde, ouais, comme d'hab. Bon vrai gars, je me fais des billes. Trop de galère, béni tes conseils. Joker à la prod, ça le fait mal au cœur. Pas facile la vie, c'est juste une chaîne. Je cherche la vraie vie comme tous mes soldats. Ma pute m'appelle, je ne décroche pas. Pas de tapeur, on a truc à faire. Sur la vie de ma mère, ben moi ça témoin. Pas besoin de formation, nigga Icali. Tu nous écoutes tous mes textes en Italie. Qu'on fait plus de concerts, wesh l'Italie. Bon vrai gars, pétage, je suis authentique. Unis comme le doigt de la main. C'est vrai, ici ça que son petit problème. Nous un seul cas, on est tous victimes. Même pour niquer, on a des principes. 5 soldats, une seule armée. Tu parles la prochaine, dans ce costa. Le fait de ferme ta gueule, pas besoin de pompiers après avoir brûlé. Peut-être sur l'autre, on a trop dépensé. Ça ne sert à rien, tu ne sers à rien. Ben nique ta mère avec plaisir. Tu veux faire la guerre, t'as pas tout complet. Sur le prophète des rebelles, j'en suis fier. Game over. Bienvenue dans le crew. Les bitches nous follow. Négro passe monnaie. J'ai mes vrais sosa. Toujours avec mes soldats. Toujours prêt à s'entraider. Dans la merde, ouais, comme d'hab. Never forget, yeah. Bah, je cache comme Kratos, car je suis un colosse. Et moi, je suis à Santos. Ces mecs qui parlent, mais ils savent qui est le boss. Tant que je vis, on parlera de moi dans ce cosmos. J't'aime plus, j'aime sous MD le beat. Dans ce game, tu ne prends pas un carré débile. Dans le rap, suis habile. Fuck, négo, magas, te gère, imbécile. Maman reconnaît, elle crie Emile. Chelou, pas tenu, toujours en civil. Je te manipule comme de l'argile. Il suffit juste une blague et tu t'agites. Ne me dérange pas, moi je cogite. Ce mariage m'excite. Call you number one, il existe. Bibi, blâme la famille, non mais les amis. Game over. Bienvenue dans le crew. Les bitches nous follow. Négro passe monnaie. J'ai mes vrais sosa. Toujours avec mes soldats. Toujours prêt à s'entraider. Dans la merde, ouais, comme d'hab. Never forget. Game over. Bienvenue dans le crew. Les bitches nous follow. Négro passe monnaie. J'ai mes vrais sosa. Toujours avec mes soldats. Toujours prêt à s'entraider. Dans la merde, ouais, comme d'hab. Never forget. Never forget. ESPs.com.